Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ayant mené la lutte à l'intérieur du pays, notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Les intentions du peuple, qui est, comme je vous ai dit, très attaché à la lutte de notre parti, le peuple va absolument l'emporter parce que, après tout, c'est ce silence du peuple, n'est-ce pas, qui a favorisé qu'il se maintienne si longtemps au pouvoir. Merci beaucoup, Toza. À quelques heures, il n'y a que lobby. Feti mune neza ko salema na stade de martyr oyo batu ya IDPS baza ko fete 38 ans d'existence ya parti politique depuis sa création. Dans les 38 ans baza na 1 an ya pouvoir oyo eza ko assumé le président Félix Tshisekedi. Alors nous sommes dans la joie tous parce qu'un parti politique comme celui-là bazana droit ya erreur ata mukete. Et donc tokota la lobby ndenge manifestation koleka, nous souhaitons de beaucoup de bonnes chances parce que l'affaire du pays c'est l'affaire de tout le monde. Et je pense ba oyo mususu tozalaka nazana feti na lupango na ngai voisin koya kotala ngai, ça n'exclut pas que vous soyez de notre parti politique de passer à cette fête parce que franchement c'est le plus grand parti politique qui reste parce que l'impair est mort de sa belle mort. Et donc, nalingi na pesa eloko ya muke kuna na kati parce que l'histoire ya UDPS boyebi yango déjà très bien. Mais mingi mingi batu bayebaka te pourquoi aujourd'hui UDPS est comme UDPS seulement ya président Etienne Tshisekedi ti aye kokufa. Abotolaki yango te, mais a méritaki yango. Je voudrais dire ici que Ezaye te moutoua kreaki yango bazalaki 13 parlementaires. Et ce qui botali très bien, li solo oyo to bengaka ke eloko oyo outi nan zambe, ezoaka ba forme nango progressivement, ti zambe a kobimisa moutoua yendenge esengelaki. Et donc la période douara batou bazalaki ko pese makasi, ezalaki batou moussousou. Même tango yeko koma na niveau ya que Mobutu a cédé, to monda ki na collège ya ba président Tshisekedi Etienne le feu n'était pas d'actualité comme tout le monde. Bato yo bazalaki d'ailleurs koye ba na makasi période wana ezalaki ki basa, ezalaki ba Mbwakem, ezalaki ba Lio ou Marcel, tu vois ça. Mais le président Tshisekedi était là. Eza sorti na ye oya pesa ki d'abord un na niveau ya Pont Gabi et ça là qui que l'éternel Dieu de nos ancêtres a bimisa kaye a sala effet boomerang le président Etienne Tshisekedi a bimaka ko bimo ya bimaki a sekwa ki mabele et ça là qui que ba mususu batika la ki lokola bimaki lokola Nzambe a prévoya ki que akotikala na parti oyo yenda kokende nango ti na pouvoir eyaki kosala phénomène moko bato babosanaka nanko me bana mike bayebi te ke ezalaki ndenge wana. Mobutu akomaki na niveau oyo akonvaincraki bato tu a faire déclarer que papa Etienne Tshisekedi azo kobela liboma a isolé ye bamosusu nyonso bazongaki na impair. C'est ce qui avait fait que période wana papa Kibasa Maliba azonga kana impère ayeko comme ministre à sport nde a créé lina foto tozana ngoti lelo muto a créé yango ye. Il avait laissé quelque chose de fort qui continue jusqu'aujourd'hui, c'est papa Frédéric Kibasa Maliba. Ba mususu bazonga kina impère basalaki eloko moko te oyitikalaki ya souvenir pona bango. C'est ainsi que le papa Etienne Tshisekedi va rester yeboko bango tout ba kendeki nde atikali na parti ye. De facto batwana balongwa ki bango nyonso bakomaki bato en dehors de l'UDPS. Et quand il est resté, il a enduré sérieusement tokoki ko reprendre histoire wana te. Lelo oyo nako sepela ke ba koko na mabele e pa inini nzoto ya kondo Tshisekedi etene kendeki eningana parce que a forma mwana na ye Félix Tshisekedi jour et nuit po amona ka pasi na bana na ye batinda ka ye na mboka bapekisa ka bana kotanga bana ba vivra ki na terreur. Merci à la Belgique et yambaki ye. En même temps Belgique n'ezai kobeta match pour que le président Tshisekedi a l'écarté. Donc ça soufflait au froid et au chaud. Étape nyon so na tolongoli yango toye komona que moi na sikoyo yo babengi Fachi président de la République, il est passé par la même chose. C'était quoi? La Mouka ezala ki plateforme politique ya bango nyonso na président Tshisekedi na kati. Basali ndenge basalaka papa na ye batutu bazongaka na un père. Awa sikoyo batutu ba tikaka président Félix Yemoko. Peut-être que vous allez dire Kamere a eu que soutenir ye, mais Kamere a zamutu moko a zalaka souple parce que zana ruse belé. A talaki esika tikala ki a moni vie ezati. Tikala landa e pa yo ya kendeki. Mais ye moko président Félix a eba kite ke eloko ye kabwani si bango ezanini. C'est comme ça que vous verrez les esprits séparés Abraham et Lot. Ezalaka ndenge wana. Et donc maintenant vous allez comprendre que qu'on se sépare ngai na monaki avant pourquoi? C'est suite à cette analyse que je vais faire. Tango le président Félix Tshisekedi a déclaré, Jean-Marc Kabunda a déclaré, Augustin Kabuya a déclaré, Balobi Boye, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Qu'est-ce qui me fait dire que ces gens étaient toujours contre lui? Chaque jour que le président Félix est seul contre tous. Parce que tant qu'on a dit Boye, et Kamere, et Muzito, et Fayulu, et Katumbi, et Mbemba, tout le monde qui a dit qu'il a dit Basala qui marche na Kishasa oyo, on ne peut pas oublier ça. Et marche ou an échoua qui parce qu'il dépêche à l'obaki, je ne fais pas de marche. Rappelez-vous. Batambola qui va échouer, quand il est qui m'a casse, baye li bosso ya 10e rue, ba finga papa Tshisekedi akufa, ba finga maman Marthe, ba finga Félix Tshisekedi yemoko, ba finga y dépêche, ba fingi na balouba. Mon problème, vous pouvez condamner comme vous l'aimez. Moi, je vais vous parler de l'histoire. Kakaninge Zalaki. Donc, j'ai toujours dit, Kamere, tant que mon aki échec, wana, tant que basalaki marche ensemble, wana kishasa, ba échouaka parce que IDP sa boyaka kokota marche, ba échouaka bango, tout. Batu ya Katumbi bazaki nakati, batu ya Muzito nakati. Batu ya Fayulu nakati, batu ya Mbemba nakati, batu ya Kamere nakati, baishuwa ka marchuana awa. N'oubliez pas cette histoire. C'est là où moi, l'esprit va me dire, cet homme est seul contre tous. Aujourd'hui, nous les vivons. Parce que ce sont les esprits et le Dieu des ancêtres qui ont choisi Félix. Aza wana ko réussir, yango mbozo mwana siko, aza ko réussir makambonyonso, moko na moko. Et donc, na lingina répondre, Jolino Makelele. Alobi, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, je suis le porte-parole du gouvernement. Na ebite, lui, qu'est-ce qu'il entend par gouvernement? Voilà. Gouvernement, il a composé na ba ministre, vice-ministre, ba ministre d'État, ba vice-premier ministre, na premier ministre. Mais bango nyonso wana bazo stala volonté à mutu moko babengi président Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui le premier exécutif. C'est sa politique qui doit être appliquée. D'où Makelele retient ceci. Être porte-parole du gouvernement, c'est porter la parole de tous les gouvernements. En tout temps, en tout lieu et en tout moment. Ce que vous avez en confusion, vous avez croire que vous allez porter parole du gouvernement, c'est dire tout simplement le conseil, faire les rapports sur le conseil des ministres. Non, monsieur. Le gouvernement étant composé de ministres, parce que ça compose le gouvernement, et donc, lorsque tu as une situation de guerre à l'Est, il faut expliquer Bélé. Le porte-parole du président amène l'information que le président de la République lui dit de dire. Mais toi, Jolino Makelele, tu dois dire toute l'information sur tous les ministères qui composent le gouvernement. Par exemple, guerre de Vazaki qui réussit dans Gona Est, tu devrais être à la télévision, nous expliquer l'évolution pas à pas. Parce que c'est le gouvernement congolais qui a mis le moyen pour que Guerouana est si là. On ne t'a pas vu Makelele. Ndengo Zawana, ministre à sport, Makamba Léopard, Mwanaboye, parce que vous avez porté parole au gouvernement, parce que le ministère des sports est un corps du gouvernement, vous avez censé couper ces informations, Yoana, na nécessité na yango. Parce que le ministre, aucun ministre du gouvernement n'a un porte-parole. Tu es le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le porte-parole de tous les ministères. Et de surcroît, tu es le porte-parole par excellence du chef de l'État qui est le premier exécutif. Kasongo Mwema Yamba Yamba, c'est le porte-parole du chef de l'État qui sort que quand le président le lui demande de faire, il dit, le président qui ne veut pas venir parler au micro, lui parle en lieu et place du président de la République. Mais toi, Jolino Makelele, chaque fois qu'il y a une action gouvernementale, tu dois parler. Là, je me suis fait comprendre. Il n'y a pas d'excuse. Avant, na kota siko makambo ya Kalev, na lingina senga veter. Tous on a nos conseils à maman Pauline Mujinga. Basala ki élection, ba élire présidente de l'association Fatih Solution. Et toko zo possibilité ko koma numéro na bango na email na bango pour communiquer avec eux. Leur objectif est allé à co-accompagner le chef de l'État dans la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Tolanda vidéo, conseiller IAPC pour la population congolaise, tant au Yayaki Kosala, Awana Kishasa, Vazonga na Paris. Mbote, na bande konanga nyonso, ba Congolais, na biska, nyonso bino, bozwami. Ezalingai wabino mama Pauline Mujinga na ye lisusu pona kulubela makambo oyo etali mboka na biso. Tout d'abord nangaki na pesa batu nyonso merci ba oyo bayambaki nga na Kinshasa parce que ngai kala mingi te nauti na Kinshasa. Na pesi merci mingi na papaka Jumbo pona kei na ye na kadrema na ye. Na pesi mbote na mama pe batu nyonso ba oyo batali wazali pembeni na papaka Jumbo. Na ye lisusu pona kolobela makambo ya mboka na biso na oyo etali salite na ba wenze pe na bazando. Likambo wana bandeko nanga eza kosala nga pasi mingi na motema parce que mikolo nyonso ntango nga nayaka nasalaka batour nakenda bipai ni bipai natala ba wenze nakenda na banzela nazomona ndenge makambo ezoyekana epai na biso. Na constate ke ba mama oyo bazoteka biloko na bawenze bazo kamata biloko na bango bazo kotanda ngo na se na mabele tango mosusu pembeni wana omona mai ezolekana wana ya terrasse banyama mosusu ekufi pembeni wana eza kitoko te eza pe malamu te parce que bandeko nanga baza kolela mikolo nyonso oyo na kati ya Kinshasa maladi soki otali ah naza nzoto eza bien te naza bien te oyo bazwinga malaria na boye oyo bazwinga tifoide na boye. Me bande konangai tifoidi de kotika ekosila ndenge nini soki biso moko de bindenge ya kokomi batela te tobi ko batela nzoto na biso te ukamati biloko ya kolia utandi yango na mabele pona koteka muto akoya asombi yango na Kinshasa batu mingi bazana mayi ebele te okomona ke iko soma mayi na bidon bidon wana ekoza la bidon ya 25 litres ou bien bidon ya ba bidon mbale ya 25 mkaka mayi moko wana ifo baso kona nango kaka mayi moko wana ifo baso kona nango biloko mayi moko wana ifo baso ndenge nini batu bazala bien na condition ya ndenge wana bino pe ba konsina biso bo bazo kotala bato ba responsable ya bazando na ba winze pona nini boko kota ila likambo yote possibilité exacte pona bande kona biso botiela bango ba mesa ba koka kotia biloko na likolo pona ko respecter hygiène iloko neza kosala nga passe mingi na motema pona nini bande kona ngai biloko oyo biso foto lia il faut ezala na se na mabele mouzunyo sa zana possibilité ya kokota na alimentation te bien na supermarché te bilo kona biso local oto liaka eza sensé eza na biso bien epi sa biso nzoto ma kolongono bongo soki bino bozo kamata bilo kona bozo kotandango na se na mabele mutu azo ya lweka na poussière ezali terrasse eza pembe na mutu na biso bande kona nga tokanisaka nini ebongo tolela kaka o maladi waza bien te me to luka pe to ye ba place maladi yango mpe eza kouta bandoki pe ba moni pasi na mboko oyo o ba tienga boy o fami boy maladi na ngeza epi likolo ya fami me biso moko na tozo mi batela te bandeko na ngai lelo oyo na ngai kana lobela mwa eloko oyo mbala esima nde tokutani nzambe asalisa bino apesa bino makasi ameka kopesa bino makanisi ya koyeba ke biloko place tozali kotiango na mabele ezali malamu te mpona sante na biso bandeko mosusu baza na posibilité ya kokozwa bamega te mpo batala makambo tozo kosala me nasengi na bino bandeko na biso baza mosika na banda mboka oyo baza na posibilité ya kotia bamega kotalaka bamission toza kosala oyo eza kosensibilize bandeko na biso bomeka koyebisa bango ntango boza na bango na telefone boexplike bango ke sante eza très important hygiène eza très important napesi bino mbote mingi nde tokutani na mbala ya nsima nzambe apambola bino ezalaki ngai wa bino mama Mujinga Pauline. Au revoir. Bouti kolanda message, c'est sans commentaire. Message oyo ndenge oyoki boyoki yango, bomemela yango gentini ngobila. Avant le moment makambo ya Kalev Mutonde, je réponds à tous ces gens qui disent que ba magistrat wana, est-ce que ba kishwe belé pour rien. Histoire yamboka bobo sanaka yango te. Ce sont ces magistrats oyo par président Félix Atindaki ba zongi sa Katumbi awa na Congo. Ba longola dossier ya Katumbi oyo ya stupis na makambo tala ki c'était Léonard. C'est le président Félix qui a dit qui a travaillé avec ces mêmes magistrats là. Ce sont ces magistrats-là qui ont libéré tous ces gens que vous voyez. Ce sont ces magistrats-là. Bazongi Saka Daniel Safo Yalinga qui a mis Djembi Kapo na kozala député. Ce qui est ironie du sort même pour Daniel Safo. Ce que tu tiens ba image na ya zala ki koganga ko finga machine a voler to ko ken élection te bwana boye ba magistrat baza ba miyibi cour constitutionnelle miyibi bwana boye. Il fallait tant que balobi balobi bazole dissoudre assemblée parce que lobaki ba député beleza fraude basala ki il fallait andimango mais alingaki lisusu ami boma po balingi ba boma assemblée nationale ba oya finga ki wana Daniel Safu basali yo député lelo tu n'es pas l'unique boza e belé donc ce sont ces magistrats là qui viennent de lancer Mukanda ya keba justifier mbongo nyonso sorte de mouton bwana boye d'ici là bokoyo kasango. Cela veut dire il peut être magistrat qui a servi Kabila. Kabila ne l'a pas formé. Kabila n'est pas juriste, il ne l'a pas fait. Il a trouvé ces magistrats là avec leur qualité. C'est le fait de clochardiser des gens que les gens commençaient à céder à des incorrections. Il y a des bons parmi eux. Donc, le col chef de l'État, Azu Bango a placé Bango, ils ont une ligne de conduite à suivre. Maintenant, je voudrais Kouyebisa Kalev a l'obaki. N'a kopé sa secret à UDPS. Monsieur Kalev Moutonde. Ce n'est pas ta mission. Ngana kani saki. Olingyo lo babo pe sanga mikro na pe sa rapport. Yatango na zalaki patro ya aner. Par exemple. Olobi. Na lingi na ebisabino bato bakufa ki na maluku. Bazalaki 430. Kombo na bango ya ngoyo. Liwa na bango ya utaki ezalaki boye. Bazaki na morgue tel de tokwe kokunda bango kuna. Voilà ce que tu dois donner à la population. Moutonde, tu devrais dire à la population que le dossier à Kamouena Sap, moi en tant que le tout puissant Kalev Moutonde, service n'a rien à tambola très bien. Kamouena Sap, Banda ki boy, et kende ki boy, bao baboma ki baza batu tel, to si to kanga autant, to juge autant, to za bona boy. Théâtre bosala kanaba, to bozu na kasai botondi chawa, et za farce. Le problème est ailleurs. Il fallait oyé bisabiso ba oyo onisien ba tomi balé ba kufaki catalan zainda yonde ko kati yonde patron yo zalaki awana na pouvoir outi ko le ko zalaki lokola ngwanda yangona to landa ka ngwanda to ataka ngwanda parce que il est censé connaître tout ce qui se trame. Toi tu es censé tout connaître, tu devras nous expliquer parce que ce que l'union sur la makambo de pèse. Okoro bakali kambo moko. Oh, on a corrompu tel. Mais quand tu dis on a corrompu tel, c'est-à-dire, tu te diminues toi-même. Tu dis que je suis un corrupteur. D'où il faut se taire. Donc, aujourd'hui là, toi, tu devrais normalement nous dire bah, ma kamwebele salemaki ya mabe mabe et laisser lui de peste tranquille. Moutonde, moi je peux dire, dossier moko etikala tozo kou le kakoye bati le lona moni ba kongole tout babo sani. Moutonde bo interpelle ye azawana, c'est bon. Shadari, bolongole sentir noir nene na loketo, c'est bon. Jeannette, botungi sakiye, bolakiche ke pouvoir, ezali sou soukounate, il faut de l'ordre, il faut kokende selon de geto lobby. Félicitations à DGM. Mais il y a quelqu'un que vous avez oublié. Il s'appelle Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda tambola na Congo Mobimba. Na mbongo azokuzwa arme. Tiba militaire oyo ya kankokolo ba pesa ba arme ya bakambumba ba pesa ba arme azosomba arme moko na $100. Nombre oyo bazaki kotumba na place publique ezaki lokuta tozaki komona ba arme oyo batumbaki ezaki rouillé. Mais de vraies armes, il faut y bisabiso. Il a récupéré ses armes, stocké à la kawapi. C'était quel type d'arme? Et mbongo oyeye mulunda zalaki nango ya ko récupérer armes, azwaki yango wapi? Qui lui a donné ses armes? Mais ce qui n'a qu'à plus loin, je peux dire aujourd'hui, nanza ko sa l'analyse. Est-ce que Mulunda n'est pas parmi les gens qui ont déséquilibré ce pays? Pour que maintenant, ces Rwandais-là qui entraient pour nous mater, tuer, est-ce qu'ils n'étaient pas parmi ces gens? Et sa question, nous avons posé. Parce que je me dis, à l'ongoli arme, ce qui battent, tu ne sais pas si tu as arme, tu as un dako, Rwandais à côté, tu as un dako, mais tant que l'arme, nous sommes kendeki. Tu as un dako, tu as un Rwandais, un Ougandais, un Kota, un Burundais, le cola, couteau chaud dans du beurre. Et tout ça, là, tu as un dako. Il faudrait maintenant voir aussi un dossier qui avait donné l'ordre à désarmer les militaires de Kankokolo. Nasukiwana.